ça faisait de la fumée, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de monde, des chariots, des machines qui frappaient à longueur de journée. Et c'est marquant comment une entreprise de forge, quand elle meurt, on a l'impression d'une mort physique. Comme un animal qui devient froid, qui ne bouge plus, qui ne voilà, c'est un géant qui est tombé, quoi. Et c'est cette impression qu'on arrive là-dedans. C'est moi, j'ai jamais connu Tom et Jenno, j'ai jamais connu avoir froid à l'intérieur de Tom et Jenno. Et maintenant, vous voyez, on est à l'intérieur. Vraiment, faut avoir connu l'avant pour se rendre compte de ce qu'est l'après, quoi. Ces paroles de Yannick Langrenet, ancien ouvrier en maintenance à la fonderie Tom et Jenno de Nouzonville dans les Ardennes françaises, n'étonneront pas les auditeurs qui ont dans leur vie travaillé en usine et peut-être eu le malheur de voir un jour fermer leur lieu de travail. On s'attache à une usine un peu plus qu'à un bureau, et le déchirement lorsqu'on doit quitter un de ces lieux est d'autant plus grand lorsque l'usine ne meurt pas de mort naturelle. On se souvient de la fameuse phrase de Jacques Chirac, au moment de la fermeture de Renault à Villevorde. « Les arbres naissent, vivent et meurent, les plantes, les animaux et les entreprises aussi, c'est la vie. » Il arrive aussi dans la vie que l'on achève, que l'on s'aborde du jour au lendemain, une entreprise pour des raisons purement financières. Rien de naturel, rien de justifié, par l'argument de la misère du monde ou du canard boiteux que l'on ne peut pas indéfiniment soutenir. Pas de question de rentabilité ou de compétitivité s'agissant de l'usine Tom et Jenno. Non, là, la logique patronale était toute nue, c'était « prends l'oseille et tire-toi ». La grande spécificité du process ici, c'était à partir d'un rond d'acier, d'arriver à faire des pièces mécaniquement complexes qu'uniquement par pressage. Et on avait un système de traitement thermique, c'est-à-dire de durcissement des pièces, qui permettait de sortir des pièces qui étaient bonnes à la sortie d'un four, ce qui est rarissime, puisque à la sortie d'un four, vous créez de la calamine, donc une obligation de réusiner des pièces mécaniques. Nous, on était capable, par notre process, de sortir des pièces qui était bonne en sortie de four. C'est dans le monde de la forge, c'était quand même quelque chose de pas mal, hein, techniquement. Et on avait un volume aussi, on était capable de produire un volume journalier quand même assez impressionnant. Et les pièces en question, on peut en regarder une pour voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai pensé un peu à des fleurs en métal. Pôles d'alternateurs qui vont par deux. Ils vont par deux, l'un en face de l'autre avec les dents qui s'imbriquent, et à l'intérieur une bobine de cuivre qui est comme tout générateur, qui est l'équivalent d'un moteur à l'envers. C'est un moteur, c'est l'électricité qui fait tourner. Ben là, vous faites tourner la pièce et vous créez un champ électrique. C'est ce qui rechargeait vos batteries, qui se substitue à la batterie une fois que le moteur est en route, qui crée l'énergie électrique dans une automobile. Alors savoir qu'il y en a deux par alternateur, qu'il y a un alternateur dans toutes les voitures à ce jour, et que notamment tous les véhicules Ford États-Unis étaient équipés de nos pièces. On sortait, à l'époque de forte production, on sortait 2 millions de pièces par mois. Cette machine-là a été achetée il y a 5 ans, elle n'a pas travaillé plus d'un an et demi. Elle est comme neuve. Olivier Besancenot, est-ce qu'il y a certaines caractéristiques du gaullisme, ou plutôt de l'héritage gaulliste dans la France d'aujourd'hui, à laquelle vous vous associez volontiers? Non, personnellement, enfin, ça ne sera pas un scoop, ce n'est pas vraiment mon héritage politique. Rien du tout. Ni du point de vue institutionnel de la Ve République, ni même sur les questions sociales. Maintenant, j'enregistre, c'est évident qu'il y a probablement historiquement des filiations, des parcours peut-être différents entre une droite gaulliste, entre guillemets, plus sociale, et une droite plus libérale. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique et juge en fonction de l'actualité. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et quand on vend, bah, je suis content de vous l'apprendre, en tous les cas. quand on prend des dossiers, par exemple, je pourrais prendre ne serait-ce que le dossier de GDF et l'ouverture du capital, où on se rend compte, par exemple, qu'il n'y a pas grande différence quand il s'agit d'appliquer la privatisation. Mais on pourrait faire là, plus récent encore, vous connaissez probablement tous les Ardennes. Vous voyez à peu près où est Nouzonville. C'est une petite ville qui est à côté de Charleville-Mézières. Vous connaissez du coup Thomé Génaud, qui est cette entreprise où il y a 317 licenciements. Je vous ai ramené quelque chose ce soir de la part de ses salariés. C'est ce qu'ils fabriquent. Ces salariés fabriquent un pôle d'alternateurs pour les moteurs. Tout allait bien depuis 2 ans, sauf qu'un fonds d'investissement américain a tout racheté, a pompé les bénéfices de cette société et a décidé de partir. C'est même pas un problème de délocalisation. Hein, cette pièce, les salariés de Thomé Génaud les fabriquent meilleur marché que ce qui peut se faire à l'Est ou en Chine ou en Inde, par exemple. Nouzonville, c'est près de 7000 habitants, juste au-dessus de Charleville-Mézières, dans la vallée de la Meuse. C'est les Ardennes françaises, le pays d'Arthur Rimbaud, de Jean-Baptiste Clément, chansonnier communard et syndicaliste qui composa Le Temps des Cerises. C'est aussi la liquidation judiciaire de l'usine Célatex, en 2000, à JV. Vous vous souvenez peut-être de ces ouvriers qui avaient réussi à attirer l'attention en menaçant de déverser 5000 litres d'acide sulfurique dans un canal affluent à la Meuse. Écolo sensible, rassurez-vous, la Meuse fut épargnée. Mais on parle encore de l'action spectaculaire de ces ouvriers qui semblait relancer une vieille tradition, l'action directe, théorisée par Émile Pouget au début du XXe siècle. Nouzonville, ce sera désormais, sans doute, la lutte des 320 ouvriers de la forge de Thomé Génaud, qui s'est déroulée du 26 octobre à la mi-novembre 2006. À la destination de Charleville. Ce train desservira les gares de Vireux, Èves, Fumay, Revin, Montermé, Bonny-sur-Meuse, Joigny-sur-Meuse et Nouzonville. Les voyageurs ayant oublié de composter leur titre de transport doivent se présenter immédiatement au contrôleur. Nous souhaitons un agréable voyage. Et c'est une entreprise qui a été en dépôt de bilan en 2004 et qui a été rachetée par un groupe américain financier, Catalina, en octobre 2004, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans aujourd'hui, quoi. Avec plus de 300 salariés, et même il y a encore une dizaine d'années, il y avait plus de 450 salariés dans l'entreprise. J'ai lu quelque part que ça représentait un peu un fleuron quoi, dans la région. Ben, ça représente un fleuron, un peu un symbole par rapport, c'est la plus grosse entreprise du secteur de Nouzonville. C'est-à-dire qu'après celle-là, il n'y a plus d'entreprise au-dessus de 50 salariés dans le canton de Nouzonville. Alors c'est vrai que c'est un peu un symbole par rapport à ça, parce que ça fait... Elle doit être centenaire, je pense, cette entreprise-là. On était dans une situation financière qui n'était pas dramatique, puisque le chiffre d'affaires et le cash qu'on générait étaient bons. Bon, les perspectives n'étaient pas exceptionnelles, mais il y avait moyen de rattraper, de récupérer les choses. Alors, avant leur reprise en 2004, c'était un problème de fonds de roulement qu'ils avaient. Ce n'était pas un problème financier tel que. Donc, ce n'était pas très important. Il faut savoir qu'ils avaient un groupe de 5 banques. Qui soutenait le fonds de roulement. Et il y a 2 banques qui sont retirées en juillet, ça doit être en juillet ou en juin 2004, et les 3 autres banques n'ont pas voulu suivre, donc ils ont déposé le bilan. Notre ex-patron, qui est un actionnariat familial de tradition, a mis le doigt dans un engrenage qui l'a dépassé, mais je crois que surtout il s'est fait emporter aussi par le monde bancaire, et le monde bancaire qui rentre comme actionnariat maintenant dans la plupart des entreprises de grosse stature, souhaitait un développement plus en rapport avec les taux de profit qui sont réclamés maintenant par le monde bancaire. Donc ils nous ont lâchés, ils nous ont amenés à des fonds de pension et à des gens qui étaient là pour générer du cash très vite. Le gros problème n'était pas un problème de marché automobile, le gros problème était un problème d'hyper-rentabilité. Des banques auraient tout à fait trouvé normal de délocaliser et de financer une délocalisation là où ils n'auraient pas accepté de financer un investissement technique dans l'entreprise. On a vraiment l'impression qu'on a battu la bête pour la dépecer, quoi. C'était un peu ça. Donc il nous manquait un fonds de roulement de 500 000 euros. Et ils ont déposé le bilan. Donc quand il y a eu au tribunal le jugement, au début il y avait un preneur, c'était Farinia. On l'a refusé parce qu'il voulait la boutique pour rien du tout, quoi. Et après il y a eu Catalina qui s'est présentée. Catalina Capital Advisor, entreprise de conseil et d'expertise californienne, spécialisée dans le secteur de la sous-traitance automobile et composée d'anciens cadres de Toyota. Le cabinet se présente en 2004 comme un repreneur providentiel de l'entièreté du personnel, intérimaire compris, promettant l'apurement des dettes, la création d'un groupe de sous-traitants bénéficiant des méthodes de réduction des coûts déjà appliquées chez Toyota. Le tout contre 75% du capital de l'entreprise, partagé à part égale avec un fonds d'investissement également californien du nom de Lightyear Capital Fund, qui promet d'injecter 3 millions d'euros dans l'affaire en 5 ans. Au dernier moment, le fonds d'investissement se désiste, mais dans l'élan d'émerveillement qu'il a saisi face au plan idyllique présenté par Catalina, le tribunal de commerce de Charleville-Mézières avalise la reprise contre 1 euro symbolique. Un an après, Catalina a créé une entreprise offshore dans le paradis fiscal de Delaware. C'est un état américain, bien trop méconnu, où il est possible de créer une société en 48 heures, sans avoir à payer d'impôts sur les bénéfices, ni à présenter une quelconque comptabilité. La société offshore, rachetée par Tomé Génaud, achète elle-même une autre création de Catalina, au Delaware, qui elle-même acquiert deux équipementiers automobiles dans le Michigan. Montage financier compliqué, censé élargir un groupe industriel, au cours duquel les ateliers Tomé Génaud continuent de voir leur trésorerie s'épuiser. Ah ben, au moment de la reprise, nous, Conseil de Farigno, on était contre, vu qu'il voulait reprendre l'entreprise pour rien du tout. Et en plus, il licenciait dans les 100 personnes à ce temps-là. Donc là, Catalina, on a tombé dans le piège, quoi, parce qu'il devait amener de l'argent et tout. En fin de compte, ils n'ont rien amené. Donc, dans un sens, est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux de prendre Farigno avant, quoi? À l'époque, vous vous doutiez de rien. Ça vous paraissait une bonne solution? Non, mais eux, ils sont arrivés, c'était tout beau, tout rose. Hein. On va mettre 3 millions là, on va investir dans l'usine. En fin de compte, il n'y a rien eu de tout ça, quoi. Si, des pots de peinture puis des pinceaux, c'est tout. Pendant les 2 ans qui sont restés là, on n'a vu aucune évolution. Hein. À part une bonbonne d'eau pour l'été. Ah, puis ils ont mis des fontaines d'eau, oui. Qu'on n'avait pas avant. D'ailleurs, la CGT à cette époque-là avait déjà mis des réserves sur le rachat même, puisqu'on était inquiet dans le cadre où c'était pas un groupe industriel, c'était un groupe financier qui l'a acheté. Dans le même temps, on a alerté les pouvoirs publics et les élus un an après, puisqu'en juillet 2005, il y a déjà une quarantaine de licenciements, 37 exactement, et notamment c'était des contrôleurs, donc ceux qui surveillaient la qualité du produit. On a alerté, on nous a pas écouté, on nous a pas entendu, et un an après, c'est la liquidation qui est arrivée. On s'est dit, là, il y a déjà un malaise, parce qu'eux, en 2004, ils avaient repris les 80 intérimaires. Parce que c'était la loi, ils étaient obligés de les reprendre. Et en 2005, là, ils en ont licencié 38, dont 12 au contrôle. Et 12 personnes au contrôle, ça fait mal, parce que les pièces, après, c'est mal contrôlé et tout. Et rapport à ça, on a eu 1 500 000 euros de pièces rebutées à cause de ça. Donc, eux, ils rouspétaient Catalina pour le contrôle et tout. Je dis, écoutez, vous avez mis une graine, c'est vous qui l'avez semée, maintenant vous avez récolté ce que vous avez semé. C'est vrai ce que je dis. C'est, ils enlèvent les contrôleurs, donc... C'était du rond d'acier, des barres d'acier. On l'a rangé un peu partout parce qu'on ne savait plus où la mettre. Au fur et à mesure que les Américains sont venus, ils ont réduit au maximum les stocks jusqu'à voir l'état où on en est là, quoi. Le parc est complètement vide. Au moment où l'entreprise a été fermée, le parc matière était complètement vide. Ça nous a toujours surpris aussi de ne pas avoir de métal d'avance, de ne pas avoir de stock d'acier. Une stratégie qui était compréhensive par le fait que, de toute façon, même les Américains avaient peut-être plus... Les Américains avaient peut-être plus le cash pour payer la matière, puisque le cash, de toute façon, était systématiquement, à chaque fois qu'il était produit, rapatrié aux États-Unis. Donc, on a vu le cash partir en même temps qu'on a vu l'acier ne plus rentrer dans l'entreprise. une forge sans acier. Une forge sans acier, c'est, ça n'existe pas. Une forge, ça a pour but de transformer de l'acier. Donc bon. On travaillait à perte depuis un an sur les pièces Valeo. Parce qu'il faut dire qu'en 2004, l'acier a augmenté de 40%, donc la matière première. Et Valeo n'a jamais voulu répercuter la hausse de l'acier sur la pièce, quoi. Donc pendant 2 ans, on a travaillé à perte. Nos clients ont eu un rôle relativement trouble dans tout ça, notamment Valeo, peut-être un peu moins Visteon, mais très très fort. Valeo a eu un rôle très très trouble là-dedans. On n'a pas tous les éléments, c'est là où je dis ça dépasse même les syndicalistes, parce qu'il y a des stratégies d'entreprise, y compris des clients, qui sont pas très claires. Est-ce que l'entreprise depuis le début était destinée à être fermée? Je ne sais pas. Dans quel temps elle était destinée à être fermée? Je ne sais pas. Simplement, Tomé Génaud a généré à l'extérieur, c'est-à-dire des sommes d'argent qui étaient plus que conséquentes. Plus que conséquentes. Et certains clients ont très très bien gagné leur vie sur le dos de Tomé Génaud. Valeo s'est fait des fortunes sur le dos de Tomé Génaud en étranglant Tomé Génaud. Stratégie à très court terme. Depuis, ils ont certainement trouvé des sources de fournitures dans des pays à bas coût. Mais entre-temps, Tomé Génaud a travaillé à perte. A travaillé à perte sur l'essentiel des productions Valeo. Valeo s'est fait des sommes folles sur le dos de Tomé Génaud en achetant des pièces en dessous de leur valeur de production. Donc il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. Si ça avait été un groupe industriel qui pique les brevets encore, enfin qui prenne les brevets encore, on aurait pu s'interroger. Mais là, c'est pas un groupe industriel, c'est un groupe. Il est venu là, il a du pognon. Il faut savoir que par exemple, il a vendu l'immobilier. Tomé Génaud avait des immobiliers à Paris, il a vendu. Il avait des immeubles sur Loudonville pour loger les salariés, il les a vendus aussi. Donc, il a vraiment bien pillé l'entreprise. Il y a vraiment eu un moment. Vous voyez, Catalina, par exemple, à peine quelques mois après être arrivée, s'attribuait pour 3 personnes 800 000 euros de management. Mais c'est 800 000 euros de management dans une entreprise qui gère à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires hors amortissement. C'est hallucinant. Et ces gens-là étaient dans le top 10 de ce qui peut se faire en France dans des entreprises de ce style-là, sans problème. On avait des gens qui étaient très très très bien payés chez Tomé Génaud, et qui se sont très bien payés chez Tomé Génaud. Donc nous, on s'est aperçu de ça. On a commencé à s'apercevoir de ça en 2005, donc on a fait un droit d'alerte. On a fait venir la Syndex de Paris, qu'on contrôlait tout ce qu'on avait demandé sur Catalina. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un faux montage en Amérique et tout, quoi, avec l'argent de Tomé Génaud. La stratégie, ça a été de flouer le tribunal de commerce en annonçant beaucoup de choses. Il y a eu d'ailleurs un manque de clairvoyance à ce niveau-là, avec les éléments qui ont été amenés et tous les signaux d'alerte qui ont été tirés. La stratégie de Catalina, c'était de meubler du temps, c'était de mettre des hommes de paille, et c'était à grand coup de belles promesses, de beaux plans, de restructuration, de ceci, de cela, d'avoir du temps pour continuer à piller, piller, piller. Il y a eu de l'argent qui est parti quelques semaines avant pour financer les États-Unis, qui est parti quelques semaines avant la fermeture de l'entreprise. Il fallait de temps en temps agiter une maraude pour dire, voyez, Catalina avance, on est en train de préparer quelque chose. On a vraiment eu l'impression que non, la stratégie, je crois que c'était d'avoir du temps. La vraie stratégie de Catalina, c'était d'avoir du temps pour commettre ses forfaits. C'est du grand banditisme, en fait, non? C'est du banditisme en col blanc. C'est du banditisme financier. C'est une banqueroute financière, frauduleuse, Tomé Génaud. Financièrement, il y a des gens qui devront répondre sur des choses qui sont au-delà du droit du travail, qui sont au-delà du, mais qui arrivent sur des problèmes qui peuvent devenir des problèmes pénaux, puisque il y a des lois qui n'ont pas été respectées, il y a des entraves qui ont été mises aux salariés. Avec, on peut maintenant le déterminer avec une véritable volonté d'amener à sec la trésorerie de l'entreprise. Ils avaient un contrat pour 2 ans, et c'est ce qu'ils ont fait, quoi. On a tenu 2 ans, en quelque sorte, et au bout des 2 ans de leur fin de leur contrat, bah, ils se sont barrés 6 mois avant, les plus grands, en fait, c'est un peu ça, et puis on les a jamais revus, quoi. Il y a resté les pions, le noir, là, et puis l'autre. Les pions sont restés là, et puis les autres se sont barrés, quoi. On les a jamais revus, quoi. Sinon, ils seraient encore là dans le bureau avec des chaînes. C'est un peu ça. Nous, on n'a même pas été prévenu de la fermeture de l'entreprise. Hein. C'est que la veille et l'avant-veille au soir, on avait parlé avec eux, comme quoi il n'y a pas de problème, tout allait bien. Et moi, j'ai appris que l'entreprise fermait, en fait, en ramenant mes enfants à l'école un samedi matin. Catalina, même les familles, ils s'en moquent, quoi. Il y a 320 familles, la copie de boulot et tout. Le matin qu'on a été liquidé, l'après-midi, quoi, Catalina s'en moquait encore. Le tribunal était plein. Il y avait tous les ouvriers qui étaient là. Il y avait toutes les sections syndicales. Enfin, les quatre, il y avait la CGC, CGT, CFDT et FO. Tout le monde était là, quoi. Ben, il y avait monsieur Cassadi, là, c'est le directeur général délégué qui était là. C'était un Américain qui a fait toutes ses études au Canada, lui. Et monsieur Balu, je ne sais pas d'où il vient, lui. Même deux minutes avant qu'on soit liquidé, il nous regardait en rigolant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est inadmissible. Et en plus, il y a des chaînes de télévision qui essayent de dialoguer avec eux. J'ai rien à dire. C'est quand même honteux, quoi. Eux, on les a jamais revus. Monsieur Balu, Cassadi, on les a jamais revus. On a manifesté devant la préfecture pour dire qu'on voulait du travail et tout. Et le lendemain, ça s'est décidé qu'on voulait regagner notre dignité et notre honneur en demandant une prime de 30 000 euros. En fait, une entreprise, lorsqu'elle va arrêter, elle est obligée de prévenir au moins le CE, au moins pas 15 jours ou un mois à l'avance. Nous, du jour au lendemain, tout le monde a des crédits. Il y en a qui ont acheté des maisons il y a 3-4 mois. Il y en a qui ont acheté des voitures neuves. Voilà, nous, on a 30 000 euros, ben, ça permet de nous. Voilà, on a manifesté, on se lève à 4h du matin pour bloquer tout ce qui est bus, tout ce qui est dépôt de courrier, tout. On rentre à 7h du soir, on surveillait l'usine, voilà. Et à un moment, on a vu que ça bougeait pas, donc on a commencé à mettre quelques menaces à exécution, en fait. Hein. Ben, des menaces, c'était plutôt des paroles que qu'autre chose. Et on a reçu un matin l'arrivée de 450 CRS. À la préfecture, on l'a organisé et tout, et le temps qu'on a été à Paris, les CRS sont descendus à Nouzonville. Et ils ont essayé de pénétrer dans l'usine, mais les ouvriers qui étaient là les ont empêchés, quoi. Il y a une délégation qui était partie à Paris, il y avait les UD, il y avait tous les délégués syndicaux. On a été à Paris au ministère de l'Emploi. On a fait une réunion avec Monsieur Michelon, c'est le chef de cabinet de Monsieur Larcher. Bon, on est revenu avec zéro, quoi. Ce soir-là, déjà, ça a eu du mal à l'usine, quoi. Même il y avait des personnes qui avaient bu et tout, donc ça a failli tourner en dégradé, quoi. Et le lendemain matin, on a laissé une dizaine de personnes dans l'usine. Et le lendemain matin, à 6h, il y a la police qui est arrivée. Qui a dit, voilà, vous nous laissez rentrer, ou alors on force. Donc, a dit ce que vous voulez qu'ils fassent. Ils sont rentrés, ils croyaient qu'il y avait 10 gendarmes. En fin de compte, il y avait 175 CRS et 75 gendarmes mobiles. Il y avait plusieurs compagnies, je crois qu'il y avait une ou deux compagnies de Dijon, une compagnie du Nord, Et puis plus les gendarmes mobiles. Ils sont partis, je vous dis, ils étaient au moins une vingtaine, une trentaine de fourgons. Il y a un petit groupe seulement là devant l'usine, là en fait, finalement, de CRS. Voilà. En fait, parce que le bruit que vous entendez, en fait, c'était quand on était à l'intérieur des grilles. Là. On était à l'intérieur et on tapait dans les grilles avec les pièces qu'on avait. Et un petit groupe de CRS est arrivé. L'incendie que vous voyez là, c'est juste devant là, juste devant la grille, en fait, finalement. Et puis le vendredi après-midi, les unions départementales avaient organisé une petite manif à Nouzonville. Et c'est là qu'il y a eu une charge avec les CRS, quoi. Il y a une bande de jeunes qui sont arrivés, qui n'ont rien à voir avec nous, qui commencent à lancer des pavés. Donc, cette manifestation-là, on était à peu près 400 ou 500. Il y avait des anciens, des mères de famille, des enfants. Bon, il est vrai que les gens, c'est vrai que qui étaient contre les grilles, un peu, ils ont poussé un peu les grilles des CRS. Et à partir de ce moment-là, qu'ils ont poussé un peu les grilles des CRS, c'est là qu'ils ont commencé à gazer avec directement avec leur gazeuse comme ça. Et ensuite, après, ils ont gazé toute la place de Nouzonville, en fait. Alors, tous les gens qui étaient là, les vieux, les enfants. Alors, ils ne sont pas occupés s'il y avait des enfants, des femmes enceintes et tout. Ils ont envoyé lacrymogène, comme ça. On a eu beau rouspéter. Non, il fallait qu'ils le font, quoi. Et moi, ça m'a marqué parce que, aussitôt que les CRS sont partis le soir, l'après-midi, j'ai été au bord de la... À côté de la piscine à Nouzonville, là, je me suis assis sur les marches et puis j'ai craqué, quoi. On a beau être costaud et tout, hein, on a nos émotions. C'est pas ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, il y en a beaucoup de cassés. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tous ceux-là qui savent leur payer pour pouvoir s'amuser des fleurs de papier ou de l'eau parfumée. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tous ceux-là. Il pleut, c'est pas ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Les corridors crasseux sont les seuls que je vois. Les escaliers qui montent, ils sont toujours pour moi. Mais quand je suis seul sous les toits, avec le soleil, avec les nuages, j'entends la rue pleurer. Je vois les cheminées de la ville fumer doucement. Dans mon ciel à moi, la lune danse pour moi le soir. Elle danse, danse, elle danse, danse. Et son haleine immense à l'eau me caresse. Le ciel est pour moi, je m'y plonge le soir. Et j'y plonge ma peine. Il pleut, et c'est ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, moi j'irai les casser. Mais c'était la provocation, vous voyez, 400 CRS ici à Nouzonville, devant l'entreprise, attendez, on n'est pas fous, on a toute la famille ici, on ne va pas faire sauter la boîte, on habite tous à 10 mètres, à 30 mètres. Ouais, c'est vraiment un film. Ah ouais, ouais, ouais. Un film, quoi, on voit ça à la télé, quoi. Il y a eu une personne qui a été dire sur une chaîne de télé, je ne vais pas la nommer, que tombé chez nous, il y a quelqu'un qui allait verser 2000 litres d'huile dans la Meuse, et à mon avis, c'est parti de là. Eux, ils ont eu peur d'un deuxième Sellatex, en fait. Hein. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que les CRS, c'est eux-mêmes qui ont vidé les trucs. Ils y connaissent rien, ils nous ont vidé des cuves avec du produit, mais le produit, c'est quoi? C'est de la poudre, le charbon, de l'eau. À voir comme ça, c'est impressionnant, mais c'est que de la poudre, charbon ou de l'eau, ça se dissout facilement. Mais ils n'ont pas pensé à vider tout ce qui est acide dans les transformateurs et tout ça, il reste 4000 litres d'acide. Donc ce qu'ils ont fait, ça n'a servi à rien du tout. Quand les CRS sont arrivés, on les a laissés rentrer en entreprise, on a pris possession de l'entreprise, aucun problème. Notre action se situe à l'extérieur de l'entreprise pour la plupart du temps. Donc, à la rigueur, aucun souci là-dessus. Simplement, ben, ça nous a attiré toutes les caméras de tous les médias, les journaux sont venus. On en arriverait quasi à remercier M. Sarkozy de nous avoir amené une tribune pareille. Parce que je suis même pas sûr qu'on aurait eu cette audience et qu'on aurait eu ces soutiens sans qu'on soit les victimes de cette répression. Ça commence à parler à France 3, régionale. Après, France 3, nationale. Ensuite, France 2, TF1. LCI. On a des ouvriers, des collègues à nous qui ont été convoqués à une émission à France 2, à vous de juger. Il y avait Le Pen, il y avait. Comment ça s'appelle, je sais pas, il y avait plusieurs hommes politiques, quoi. Toute la presse qui est venue. Besancenot qui est venu nous voir avec Voilà. L'adjointe au maire de Paris. Voilà, même à Besancenot, moi, en main propre, je lui ai donné une bombe lacrymogène que j'avais reconstituée par rapport au tir qu'il y avait eu. Ça va, j'ai quand même été fier parce que la première bombe, il me dit ça, je la montrerai à la télé. Donc on pourrait discuter ici d'une justice qui pourrait par exemple accorder aux salariés ce qu'ils réclament, c'est-à-dire 30 000 euros de primes, c'est-à-dire une goutte d'eau pour les fonds d'investissement américains. On pourrait discuter d'une justice qui est simplement capable de permettre aux multinationales semencières d'aller chercher l'argent sur les comptes en banque uniquement pour les militants anti-OGM. Mais c'est même pas ça dont je vais vous parler. Ma question, ça sera la suivante, Michel Alloumari. C'est la réponse du gouvernement, ça a été autre chose, que les salariés m'ont donné aussi, c'est ça. C'est une douille de grenade lacrymogène qui a été utilisée de façon extrêmement agressive avant-hier à 13h. Où ces pères de famille venaient manifester avec leur famille, leurs enfants et leurs parents, leurs grands-parents. Il y avait des CRS qui dépendent de Nicolas Sarkozy, la droite plus libérale, des gardes mobiles qui dépendent de votre ministère. Donc ma question, elle est toute simple. Est-ce que ça, c'est la droite gaulliste sociale ou est-ce que c'est la droite libérale? En France, on a cette mentalité un peu de Robin des Bois où quand les gens sont dans la répression, ils obtiennent un soutien comme personne. Nous, chez Tom et Géno, on s'est retrouvé avec une population d'une ville complète derrière nous, un département qui ne parlait que de nous tous les matins au réveil, dans les journaux, dans la presse, dans tous les cafés, on parlait de Tom et Géno. Ça remontait le moral de tous. On a senti que derrière, il y avait une émulation parce que ça commençait à aller dans les entreprises, ça commençait à réveiller les consciences, ça commençait à réveiller l'envie d'en découdre. On a une tradition de syndicalisme dur, de syndicalisme de combat dans les Ardennes, avec des grosses manifs, des grosses bagarres, des sièges d'entreprises et compagnie. Je pense que ça a réveillé un peu tout ça et les Ardennes avaient besoin que des gens mettent un coup de pied dans la fourmilière. On s'est retrouvé avec un soutien qui allait bien au-delà du département. Les Ardennes, c'est quand même pas le centre de la France. C'est un petit département très peu connu où on n'a pas l'habitude d'être sous les flashs et sous les caméras. Et ça fait très très peur, je pense, en haut lieu. 1, 2, 1, 3, 30. 30 ouvriers, moins de là-bas. 30, 20, 50. Là, c'est Verdun. C'est un truc de biocarburant. Là, 20, un bâtiment. 30, à Thionville. À Thionville. Cylindre de l'aillage. C'est que des offres d'emploi. En fait, là, on a trouvé d'à peu près 120 offres d'emploi. Mais ça, c'est pour. Ça, c'est politique, en fait. Hein. Parce que si vous ramenez les gens qui vont tous les jours à l'NPE, qui voient ça, ils vont tomber sur le cul. Alors que nous, ces offres-là, on est obligé de les refuser. Ils en demandent 10 à Maubeuge, là, tu vois, style. 10 à Maubeuge, que des trucs comme ça, quoi. C'est qui a affiché ça, alors? C'est le CTP, c'est le liquidateur judiciaire, le liquidateur de l'usine, Maître Bruxelles, les gens du CTP. Donc là, ici, on a une personne du CTP qui est là en permanence pour nous offrir des places. Là, on nous offre des places chez Toyota à Valenciennes, Saint-Étienne, Laval. attends, je comprends pas, moi, attends, il y a plein de chômeurs en France, j'arrive pas à comprendre que nous, ils nous trouvent plein de boulot, quoi, finalement. Il y a plein de boulot, quoi. Un peu ça, quoi. Ils se battaient pour avoir 30 000 euros. Ils ont obtenu 25 000 euros avec des conditions, quand même. Puisque c'est 10 000 euros à la signature, à l'adhésion du CTP, qui est le contrat de transition professionnelle. Dans le cas de notre département, on est pilote, hein, on est 7 en France à l'avoir comme ça, nous on est expérimental. Il faut savoir qu'au bout de 6 mois, ils peuvent obtenir de nouveau 10 000 euros à une condition, c'est qu'au moins ils se rendent à chaque fois au référent, c'est-à-dire dans le cas du CTP, et ils peuvent obtenir de nouveau 5 000 euros en fin de CTP s'ils ont trouvé un travail, un contrat, soit 6 mois, enfin minimum de 6 mois, soit en CDD, en CDI ou en contrat intérimaire. Ceux qui ne signaient pas pour le CTP n'avaient le droit à rien, à zéro. Par la peine de licenciement. Pour les anciens, ils vont toucher quelque chose, mais pour les nouveaux, ils vont rien toucher, quoi. Voilà. C'était la clé du chômage, quoi. Si vous signez, vous n'êtes pas chômeur, vous touchez 25 000, c'est tout. C'est la clé. Vous n'êtes pas chômeur et vous gardez votre salaire pendant un an. Voilà. Donc, on nous dit qu'il ne faut pas vous inscrire au chômage. Il faut prendre le CTP. Alors, CTP, c'est un contrat qui a été... C'était créé il y a un an. Donc, c'est un contrat qui dure un an. Donc, si vous comptez bien avril 2006, avril 2007 ou mai 2007 par rapport aux élections, donc, nous, là, à l'heure où je vous parle, là, il y a zéro chômeur à Tomé-Génot. Puisqu'on a inscrit tous au CTP. Et la carotte pour nous inscrire au CTP, c'était les 25 000 euros. Et là, vous verrez, si vous passez dans un an, les affiches, là, il n'y aura plus de boulot ici. Hein. C'est vrai qu'on est en campagne électorale, et l'objectif, et de manière qu'est de l'État et du Conseil général, c'est de dire, dans 12 mois, zéro chômeur Tomé-Génot. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, on parlait tout à l'heure par rapport à des offres d'emploi qui sont, mais c'est des offres d'emploi qui datent pas d'aujourd'hui. Ça, c'est parce que, c'est le patronat ardennais, notamment la météorologie, qui veut montrer sa solidarité, parce que nous, on dit que de toute manière, il n'y a pas d'emploi dans l'Ardenne, il dit s'il y en a, il y en a, et d'ailleurs, ça date un peu plus de 160. Et il faut savoir que, par exemple, la semaine prochaine, tous ceux qui ont signé le CTP, c'est-à-dire un peu plus de 260 salariés, sont conviés avec leur conjoint ou leur conjointe à une réunion sur une entreprise, notamment du groupe AFE, qui est un groupe de la métallurgie, pour leur proposer d'aller travailler à côté de Saint-Étienne en Bas-de-la-France. Ça vraiment, c'est dégueulasse, parce que, en clair, quand il dit... Alors, ce qui est incroyable, c'est parce que on a un département où plus de 13% de demandeurs d'emploi. Nous, en ville, c'est plus de 21% de demandeurs d'emploi. Il a fallu qu'il arrive ça pour qu'on dise, voici, du boulot, il y en a, vous pouvez en trouver. Alors, bon, il y a quand même un problème. Laissez-moi vous le dire, messieurs, nous sommes en face de grosses difficultés. Grâce à ces Japonais, nous commandons maintenant un panier de crabe. Il n'y a plus d'ordre ni de discipline. Notre tâche est de reconstituer le bataillon. Oui, mon colonel. Ça ne sera pas une chose facile. Mais heureusement, nous avons un moyen d'y arriver. Le pont. Le pont, mon colonel? Oui, le pont. Je me rends compte des difficultés que ça présente dans ce pays perdu où on ne trouve pas ce dont on a besoin. Mais c'est justement la gageure. Je vous demande pardon, mon colonel. Mais vous avez réellement l'intention de construire ce pont? En général, vous êtes moins lent à comprendre, Evans. Je connais les hommes. Il faut les tenir occupés. Si nous n'avions pas de travail à leur donner, il faudrait en inventer. N'est-ce pas, Rive? Certainement, mon colonel. Tomé-Génot, c'est mort en tant que tel, et ce qui est même encore un peu plus grave pour le reclassement du personnel, c'est que maintenant, on a l'impression que la métallurgie ardennaise est morte. C'est un bastion de plus, et pas un petit bastion. Tomé-Génot, c'était une référence de la métallurgie. Et on a l'impression que vraiment la métallurgie ardennaise est morte. Maintenant, on passe sur une période de mutation, et les périodes de mutation, les Ardennais ne veulent pas certainement devenir les Aveyronnais de ce début de millénaire, quoi. Parce qu'on a déjà un exode qui est quand même relativement massif dans les Ardennes, où on a un peu un département qui se dépeuple, et la perte d'identité métallurgique ne fera qu'accélérer les choses. Donc maintenant, la mutation économique, on n'est pas armé et on n'a pas voulu s'armer, ce qui fait que maintenant on a vraiment l'impression qu'on va sacrifier une génération à la mutation économique. Le département se développe, mais surtout le département vieillit par ce biais-là. Donc maintenant, quid de la réindustrialisation, je ne sais pas, il y a des propositions. Nous jugerons sur pièce. Suite à l'affaire Celatex, notamment, on avait promis 800 emplois sur la pointe de la vallée. Non seulement les 800 emplois n'ont pas été créés, mais depuis, on a au moins 700 emplois. Donc, les promesses dans les Ardennes, on sait ce que c'est. Maintenant, on connaît moins les résultats. On aimerait avoir un peu plus de résultats. Vous avez fait une manif où vous avez brûlé ou déchiré des cartes d'électeurs? Non, elles sont n'ont pas été brûlés ni déchirés. Mais on a demandé aux gens de les déposer dans un aquarium, ce qui a ce rite, et de demander aux gens s'ils étaient toujours d'accord pour aller voter. Mais tout réfléchi après, les gens, ils ont récupéré leurs cartes. Et bon, parce que c'est vrai que si on ne va pas voter, moi je pense que c'est une faute grave. Parce que... Enfin voilà, pour moi c'est une faute grave si on ne va pas voter. Parce que vous continuez quand même à croire qu'il y a une solution politique à tout ça, quoi. Bah, faut espérer, il y a toujours un espoir. Maintenant, c'est pas nous qui décident. L'État, lui, là-dedans, a un véritable rôle de régulateur de ces problèmes-là. C'est l'interlocuteur premier des entreprises, notamment par les tribunaux de commerce. Seulement, les tribunaux de commerce ne sont pas des organismes paritaires. On a toujours un problème d'alerte des syndicats, de droit des syndicats, de droit des salariés. Et là-dessus, qui, à part l'État, peut intervenir dans le droit des salariés ? Le droit des salariés, ce n'est pas une entrave, c'est tel que peuvent le construire les patrons. Le droit des salariés, c'est aussi l'implication des salariés dans leur entreprise. Tellement c'était Noël, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. C'est pas tellement qu'elles étaient belles, nos machines, mais elles n'y sont plus. C'est pas tellement que c'était Noël, c'est pas tellement qu'elles étaient belles. Au fond des mines, y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines. Y a de la poésie dans les usines, dans le cambouis, dans la calamine. Y a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines. Y a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement pour le salaire. On peut pas dire que c'était Byzance. C'est pas ça qui nous rend amer, c'est plutôt qu'on avait confiance. C'est pas tellement pour le salaire, c'est pas ça qui nous rend amer. Dans les assis au fond des mines, y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines. Y a de la poésie dans les... Dans la calamine, y a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines. Y a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti comme un voleur, sans un regard et sans un mot. Mais on n'attendait pas des fleurs. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti sans un mot. Dans les aciéries au fond des mines, y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines. Y a de la poésie dans les usines, dans le cambouis, dans la calamine. Y a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines. Y a de la poésie dans les... C'est pas pour ça qu'on a pleuré et qu'on s'est serré dans les bras. C'est plus profond, c'est plus secret, et c'est plus important que ça. C'est pas pour ça qu'on a pleuré. C'est plus profond, c'est plus secret. Au fond des mines, y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines. Y a de la poésie dans les usines, dans le cambouis, dans la calamine. Y a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines. Y a de la poésie dans les usines, dans les aciéries au fond des mines. Y a de la poésie dans les usines. que je travaillais. Donc, c'était la maintenance ici. C'est ici qu'on réparait les machines de l'entreprise. C'est ici qu'on faisait toutes les réparations de l'entreprise. C'était mon lieu de travail. C'était ici que j'avais mes affaires. Moi, j'étais sur le côté, j'étais à la chaudronnerie. Je m'occupais des tuyauteries, je m'occupais et des systèmes métalliques de l'entreprise, tout ce qui était métal de l'entreprise, tout ce qui était passerelle, tout ce qui était métallique sur les machines était de notre ressort, hormis la mécanique. Une plieuse, une rouleuse. Celle-ci servait à faire déplier l'équerre ou à forme. Celle-ci servait à rouler notamment des pièces comme celle-ci. Servait à faire des pièces cylindriques roulées. Cisaille qui servait au débit de la tôle. Mon poste de travail, c'est mon armoire. C'est là, c'est mon chez-moi. Ça m'a servi de chez-moi pendant à l'entreprise. Ça m'a servi de poste de travail pendant... Je suis arrivé en intérim ici en 91. J'étais embauché en 2000. Licencié en 2006. Et 15 ans de ma vie qui est ici. Et tout ce qu'on laisse physiquement dans l'entreprise, tout ce qui est le matériel, tout ça. Puis tout ce qu'on laisse en souvenir, tout ce qu'on laisse en moment de vie, parce que tant qu'on est pris dans l'entreprise, tant qu'on est pris dans le travail, on s'en rend pas compte, mais on se rend mieux compte une fois que c'est fini du lien social qui va avec, du fait de l'attachement qu'on a envers les gens, qu'on s'en aperçoit pas peut-être en travaillant tous les jours, qu'on a un attachement aux gens avec qui on travaille, mais ce lien social là quand il disparaît, c'est très pesant parce que il y a pas mal de gens ici et comme partout dont la chose qui évite toutes les dérives ou notamment tout le laisser aller, c'est souvent d'avoir quelque chose à faire dans la journée. On a quelque chose à faire le matin, la première chose, on se lève, si on se rase, c'est pour aller travailler. Et ce lien social là quand il disparaît, c'est aussi comment expliquer ça, quand on a toujours pris son destin en main en se levant le matin pour aller travailler, quand ce lien-là a disparu, y a ceux qui vont se avoir une motivation suffisante, et il y a des gens qui se retrouvent complètement désociabilisés à cause de ça. Ils vont se retrouver chez eux toute une journée à n'avoir aucun lien social, et pour perdre pied, les gens les plus fragiles, c'est souvent ça qui finit d'achever quelqu'un qui est fragile. Au moins dans l'entreprise, on a ce support-là, qui est le support de la relation qu'on a aux autres. Et on a l'exemple notamment pour une entreprise qui a fermé de l'autre côté de la voie ferrée, c'est-à-dire à quelques mètres d'ici, où des gens sont sur le carreau depuis 10 ans. On a des gens qui s'en sont relevés, des gens qui s'en sont sortis, mais on a aussi des gens qui sont sur le carreau. Parce que socialement, ils ont tout perdu. Je parle au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect amour-propre, parce qu'on a pris un coup à l'amour-propre aussi, à l'image qu'on a de soi, mais il y a des gens qui ont perdu pied. Donc nous, on était demandeurs à ce que les pouvoirs publics qui portent plainte contre le groupe Catalina. Donc c'est fait, puisqu'on a appris hier soir qu'il y aurait même un juge d'instruction qui aurait été mis en place pour ça. Et nous, on pense que Catalina, il doit payer. Et notamment quand on dit qu'il doit payer, parce que les salariés, ils sont battus pour avoir une prime de 30 000 euros pour chaque licencié. N'ayant plus de patron, ils sont retournés contre les pouvoirs publics. Et c'est les pouvoirs publics français, notamment l'État, le Conseil général, le Conseil régional, qui ont donné. Et nous, on dit que l'argent public, il ne doit pas servir à ça, puisqu'en clair, ils font à la place des patrons. Donc nous, on dit, il faut qu'il y ait plainte de portée. Donc on a l'assurance que les plaintes seraient portées. Et ensuite, de toute manière, ça ne m'emportera pas. Et ensuite, que le Catalina rembourse les fonds publics au Conseil général, à l'État et au Conseil régional. Vous y croyez à l'enquête qui va être menée ? Ouais, j'y crois pas. À mon avis, moi, j'y crois pas à ça. Ça m'étonnerait. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais j'y crois pas. C'est vrai que aller rechercher des personnes à l'autre bout du monde, je sais pas, vous y croyez, vous ? Ça serait bien quand même qu'on les ramène et puis qu'on les met face aux 300 salariés qui ont été licenciés. Là, on verra un peu la tête qu'ils feront. Je vais attendre le... Je vais faire mon CTP comme il doit être fait, puis on verra. Puis si on me propose du boulot, ben, c'est de retravailler. Je vais pas rester là à rien faire. Déjà, je m'ennuie. Vous savez, quand vous êtes habitué à travailler pendant 28 ans sans arrêter, après, qu'est-ce que vous faites chez vous? Tournez en rond, vous êtes à l'ordinateur, vous regardez la télé, et arrive un moment où vous vous lassez. Hein. On ira peut-être au jardin. Au jardin? Oui, parce que j'ai un jardin derrière. Là. Et je passe mes heures là-dedans quand j'ai rien à faire, quoi. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire dans un HLM? Vous cultivez quoi? Bah, des légumes, ouais. Carottes, les navets, les échalotes, les... fait tout, quoi. Puis j'ai un petit carré de pelouse, et puis l'été, on fait le barbecue et tout. C'est de la terre maraîchère, ici. Il y avait beaucoup de maraîchers dans le temps. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sang d'ouvriers, sang de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom, le baptême street un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleure jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, le baptême street un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement qui échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter des plaintes, et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains. C'était Thomé Génaud, Prends l'oseille et tire-toi. Un reportage de Patrick Taliercio, avec les témoignages de Yannick Langrenet, conseiller municipal, président de l'Association départementale des élus communistes et républicains des Ardennes, délégué syndical CGT et ouvrier en maintenance chez Thomé Génaud. Jean-Louis Geoffrin, secrétaire général CGT Union départementale des Ardennes, Thierry Demar, délégué syndical CGT presseur à chaux chez Tomé Génaud, Karim Baoula, presseur à chaux chez Tomé Génaud, Claude Percebois, presseur à chaux chez Tomé Génaud. Et la voix de Claire Chazal, journaliste à France 2, et d'Olivier Besancenot, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire. Un texte circule sur Internet, notamment sur le site de L'En Dehors, qui s'appelle « Le livre noir de Tomé Génaud, une histoire de vampirisme industriel ». On peut également visiter le blog de la section CGT de Tomé Génaud, CGT08 Overblog. Enfin, la revue Agone a sorti en 2005 un numéro consacré au syndicalisme et à ses armes, toujours d'actualité.